Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un président et de sa famille qui confondent argent personnel et argent de l'État. Classique, me direz-vous, dans certains pays, mais là, la logique est vraiment poussée très loin. Cette affaire, dont vous avez peut-être entendu le nom dans l'affaire des biens mal acquis, c'est celle du clan Sassou Nguesso. Une famille d'autocrates emmenée par leur chef, Denis, un homme qui s'est intronisé président par la force et qui règne depuis plus de 30 ans sur la destinée de la République du Congo par la force et la prévarication. Tour à tour, le clan a usé et abusé des privilèges dus à sa fonction. Pire, il a utilisé les moyens de l'État congolais pour servir ses propres intérêts après avoir détourné des sommes d'argent considérables en se servant dans les caisses publiques. D'après les enquêteurs français, plus de 100 millions d'euros. Comment en est-on arrivé là, au Congo? Pourquoi le nom de Denis Sassou Nguesso et de sa famille revient-il avec insistance dans l'affaire dite des biens mal acquis? De quelles preuves dispose-t-on aujourd'hui? Notre invité, le journaliste Xavier Harel. Voilà plus de 15 ans qu'il enquête sur ce dossier. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, dont le dernier est une bande dessinée, L'argent fou de la France-Afrique, l'affaire des biens mal acquis. Les dessins sont de Solé. La BD est parue en 2019 aux éditions Glénat. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Préparée aujourd'hui par André Acara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Question directe sur France Inter, Stéphane Pauli, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, est en visite privée en France. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur. Beaucoup d'analystes considéraient que vous étiez plutôt soutenu par l'Élysée et par le pétrolier Elf. Jusqu'ici, ils n'ont pas voulu entrer dans ce débat parce que nous avons d'autres préoccupations. Consolider la paix, la réconciliation nationale dans notre pays, relancer le processus de démocratisation. Maintenant, parler du pétrole, d'Elf. Pour notre part, nous pouvons dire que depuis le 31 août 92 jusqu'à récemment, octobre 97, nous n'avons pas eu un seul contact, même téléphonique, avec les autorités d'Elf. Décembre 1997, Paris. Denis Sassou Nguesso, président autoproclamé de la République du Congo, est en visite dans la capitale. Outre des rencontres autour de l'aide au développement avec son homologue français Jacques Chirac, le voyage du nouvel homme fort de Brazzaville sert d'autres intérêts. C'est que les images terribles de la guerre civile au Congo, un conflit ethnique de 4 mois qui a ravagé villes et campagnes et fait plusieurs milliers de morts pour autant disparus, sont encore dans toutes les mémoires. Alors, pour tenter d'asseoir sa légitimité internationale, Denis Sassou Nguesso s'affiche face à la presse comme le nouveau défenseur de la paix et de la stabilité en Afrique. Je reprends ces mots. À 54 ans, lui, l'ancien militaire et parachutiste, lui qui fut déjà par le passé le président autoritaire et décrié de ce même Congo entre 1979 et 1992, et que ses opposants présentent comme un chef de milice, eh bien, ce même Denis Sassou Nguesso n'échappe pas aux questions qui fâchent, ne lui en déplaise. Invité au micro de Stéphane Paoli sur France Inter, vous venez de l'entendre, le nouveau président de la République du Congo est mis face à ses responsabilités. Car derrière cette prise de pouvoir brutale et sanglante, plusieurs médias, comme le Canard Enchaîné, dénoncent le rôle qu'aurait joué en coulisses une entreprise française dont le nom est alors déjà entaché du sceau du scandale. De la mer de Chine au golfe de Guinée, de l'Arctique à l'Amazonie, dans 43 pays du monde, Elf Aquitaine. Producteur des énergies d'aujourd'hui, chercheur des énergies de demain, Elf Aquitaine. Elf Aquitaine, les bâtisseurs d'énergie. En langage normal, ça peut donner cela. Elf Aquitaine, bras armé de la France en Afrique et vestige de la France-Afrique, elle a mis la main sur les gisements de pétrole et leur exploitation. Située au cœur de l'Afrique centrale, la République du Congo, pays de 3 millions d'habitants, l'un des plus pauvres de la région, possède en effet des sous-sols d'incroyables réserves de pétrole. de quoi devenir le troisième producteur de tout le continent. Une manne également pour les partisans de Sassou Nguesso qui peuvent ainsi s'armer. Des armes dont on estime aujourd'hui qu'elles auraient servi dans des massacres contre les populations civiles. Autrement dit, Elf achète la fidélité à long terme du chef de guerre pour espérer ensuite pouvoir pomper le pétrole congolais en toute quiétude. Et ceci avec la bénédiction de certains hommes politiques à Paris qui voient en Denis Sassou Nguesso un allié de poids pour conserver l'influence française dans la région. Si sur le papier la présence de quantités considérables d'or noir peut apparaître comme une bénédiction pour la République du Congo, il ne faut pas oublier qu'ailleurs, l'exploitation pétrolière a tourné à la malédiction. Dans les pays voisins, au Gabon, en Guinée ou même en Angola, pétrole rime depuis longtemps avec dictature, corruption, violence, atteinte aux droits de l'homme. Même chose ici à Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. En l'espace de quelques mois, il verrouille le pouvoir politique, économique et militaire. Le nouveau régime bascule dans le totalitaire. Les élections promises sont repoussées. Pire, Sassou Nguesso place des membres de sa famille au gouvernement et à la tête de l'exploitation du pétrole dans le pays. Dès lors, la famille du président va s'enrichir à vue d'œil avec les profits de l'or noir, dont le prix au baril atteint des sommets au début des années 2000. Quand au même moment, l'économie du pays plonge et que la dette de l'État devient abyssale. À cette époque, la moitié des habitants du pays vivent avec moins d'un dollar par jour. La famine et les épidémies sévissent. La situation est préoccupante, comme en témoigne ce témoin joint par France Inter. Le président Sassou Nguesso, c'est vraiment du mensonge, de la propagande sur la situation du Congo. Son peuple manque de tout. Il n'y a pas d'électricité à Brazzaville. Les enfants s'assiedent à même le sol. Donner le minimum, juste le minimum qu'il faut pour donner la possibilité à ces enfants d'aller à l'école. Il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux. Tout le monde sait. L'opposition ne gêne absolument pas son action puisqu'il martyrise le peuple. Et ça nous choque de voir que le président Sarkozy ira saluer un homme qui plie par ce cynisme. Pour faire main basse sur les bénéfices du pétrole, la famille Sassou Nguesso a mis au point une méthode. Exemple avec le cas Denis Gokana, le président de la Société Nationale des Pétroles Congolais. C'est à lui de commercialiser l'or noir du pays pour le compte du trésor public. Or, plusieurs enquêtes ONG démontrent que ce même Gokana utilise des sociétés écrans pour vendre et faire racheter le pétrole à bas prix. Ensuite, il revend cette cargaison au prix du marché à des compagnies étrangères en empochant un bénéfice qui dépasse souvent plusieurs millions de dollars et qui trouve refuge sur des comptes en banque hébergés dans des paradis fiscaux. Dernière étape, Denis Gokana, comme tant d'autres, doit reverser de larges parts de son gain à la famille du président Sassou Nguesso. En l'espace de quelques années, les montages financiers ou autres détournements de fonds deviennent la principale préoccupation de la famille Nguesso, une occupation à plein temps. Maintenant, pour mettre le butin au chaud, il faut trouver une banque qui fermera les yeux. Or, d'après le journaliste Xavier Harel, c'est une Française qui va se proposer. Ce qui est assez désespérant dans le cas du Congo-Brazzaville, c'est qu'il y a aussi la complicité de grandes banques, notamment de BNP Paribas, qui participent au financement d'opérations absolument détestables, où il y a 8 dollars d'écart par baril entre le prix auquel le pétrole est vendu par la Société Nationale des Pétroles du Congo, la SNPC, et le prix auquel le raffineur final achète la cargaison de pétrole. Alors, comme BNP Paribas est une banque sérieuse, évidemment, elle s'assure qu'elle sera bien remboursée par la SNPC. Donc, ce qui se passe, c'est que le prêt est nanti par la cargaison. Donc, en quelque sorte, elle devient propriétaire de la cargaison de pétrole. Et elle sait parfaitement tout ce qui se passe tout au long. Donc, elle sait qu'il y a un écart de 8 dollars sur chaque baril, ce qui fait quand même des commissions de 8 millions de dollars sur une cargaison de pétrole. C'est absolument colossal. Il faut avoir en tête que dans l'industrie pétrolière, dans le négoce pétrolier, un bénéfice de 20 à 30 cents par baril, c'est un bénéfice normal. Là, on est à 8 dollars. Donc, on est 50 fois au-dessus d'un bénéfice normal dans le négoce pétrolier. BNP Paribas finance ce genre de transaction. Sur le plan politique, l'équation pour le peuple congolais est assez simple. Survivre égale se taire. Le régime du président Sassou Nguesso se livre en effet une répression féroce contre tous ses opposants et globalement tous ceux qui pourraient se mettre sur son chemin. La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme va même accuser le pouvoir congolais de pratiquer le nettoyage ethnique. Certaines provinces du pays sont en effet à feu et à sang. Des milliers de Congolais tentent de fuir de l'autre côté du fleuve qui sépare le pays de son frère voisin, le Congo-Kinshasa. Un épisode témoigne de l'ampleur du drame. En mai 99, le Haut Commissariat aux réfugiés organise un couloir humanitaire via le port fluvial de Brazzaville, le Beach. Le but de l'opération est de rapatrier les Congolais qui avaient fui la guerre civile en 97, des hommes, des femmes, des enfants. Mais à peine ces personnes en mettent-elles le pied en République du Congo que l'épisode tourne au massacre. Des militaires de la garde républicaine du président Sassou Nguesso en uniforme tirent à bout portant sur les civils. On dénombre plus de 350 morts. Les témoignages recueillis par un juge d'instruction français sont accablants, tant pour le président congolais que pour son entourage. L'un des auteurs du premier rapport sur les biens mal acquis, Antoine Dulin, témoigne de la répression menée par Sassou Nguesso. On prend la méthode dure, la méthode qui ne laisse pas de traces, qui est plus que troublante, c'est-à-dire énormément de menaces contre des opposants congolais en France, des appels téléphoniques, des menaces de mort. Et puis, on passe à l'acte. On passe à l'acte au Congo-Brazzaville, sans doute dans le cas de Bruno Jacquet, mais il y a des précédents. 3000 morts au moment de la guerre civile, les disparus du Beach, c'est des dizaines et des dizaines de morts dans les années 90. On a l'impression qu'au Congo-Brazzaville, l'État ne sait pas comment gérer cette affaire ou comment apporter la vérité, si ce n'est en réprimant les personnes qui veulent une vie plus démocratique et une gestion des ressources de leur pays plus équitable et plus transparente. Au milieu des années 2000, le président congolais Sassou Nguesso traîne une réputation sulfureuse. Or, c'est dans ce contexte que plusieurs ONG vont découvrir une autre facette du personnage. Son train de vie de prince, l'opulence du clan Sassou Nguesso. Printemps 2006, Paris, quartier des Champs-Élysées. Un jeune homme, accompagné de plusieurs gardes du corps, pousse la porte de la prestigieuse boutique Louis Vuitton. Il en ressort une heure plus tard, après avoir dépensé plus de 6000 euros, vêtements, accessoires de luxe. Deux mois plus tard, le même individu revient sur les lieux et dépense cette fois plus de 10 000 euros. Cet homme de 32 ans, au sourire charmeur et au physique avenant, c'est Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président congolais. Et lorsque le jeune homme est de passage à Paris, il n'a de compte à rendre à personne. Alors il multiplie les virées en voiture de sport et les restaurants les plus chics de la capitale où il commande des magnums de champagne millésimés ou des bouteilles de vin à plus de 4000 euros l'unité. Denis Christel aime aussi les tournées shopping dans les boutiques de luxe. Il achète quantité de montres et de pierres précieuses. D'après l'ONG Global Witness, en l'espace de 3 ans, il va ainsi dépenser plus de 280 000 dollars en produits de luxe. Des achats payés avec une carte bleue de l'East Asian Bank, un établissement discret situé à Hong Kong et dont le compte, d'après l'enquête de l'ONG, serait alimenté par les commissions que Denis Christel percevait comme les autres membres de sa famille sur le négoce opaque du pétrole congolais. Pour autant, lorsqu'une journaliste ivoirienne l'interroge sur son statut de fils de président, ce même Denis Christel affirme que cela l'oblige à être un citoyen exemplaire. On vous prête ici et là certaines intentions, notamment celle d'être désigné dauphin. Et vous répondez d'ailleurs qu'avant d'être le fils du président, vous êtes un citoyen avant tout, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais vous avez un peu plus de droits tout de même que le Congolais moyen, non ? Voire des passe-droits, même, parfois. Ah bon, lesquels ? Vous n'avez pas le sentiment que vous êtes un privilégié au Congo ? Un privilégié, peut-être vous le direz, mais moi, je ne me considère pas comme étant un privilégié parce que je ne me suis jamais inscrit dans une situation où je passais avant les autres. Donc, je ne considère pas que je n'ai plus de droits qu'un autre Congolais. Et alors ? Je suis peut-être né d'un certain côté, et encore, ce côté, on ne naît pas avec, parce que je vous rappelle que je ne suis pas né fils de président, je le suis devenu. Oui. Parce que le président de la République lui-même est devenu président. Mais je dis souvent que c'est méconnaître la situation, parce qu'au contraire, moi je pense que lorsqu'on est fils de président, on a plutôt plus d'obligations que de droits, parce qu'on se doit d'être exemplaire. Lesquels par exemple ? une obligation que vous avez qu'un Congolais moyen n'a pas? Une obligation que l'on a, c'est l'exemplarité en tout temps. Vous êtes exemplaire. Vous essayez de l'être. J'espère l'être au mieux de mes aptitudes et de mes possibilités. Voilà pour Denis Christel Sassou Nguesso. Cela dit, le fils du président n'a rien à envier au reste de la famille, à la fratrie. Frères, sœurs, mères, tantes, oncles, cousins, tout le monde se sert et s'opère en dépenses somptuaires. Julienne Sassou Nguesso, par exemple, fille du président, va dépenser plus de 3 millions d'euros pour acheter un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Wilfried, neveu du président, aime les voitures. Alors à Paris, il se constitue une flotte personnelle d'une dizaine de bolides, Mercedes, Porsche, Aston Martin, Land Rover, pour un montant qui atteint le million d'euros. L'amour du luxe chez les Nguesso, c'est une question d'ADN. Donc papa lui aussi aime le luxe et aime dépenser sans compter. Il dispose en France de plusieurs biens immobiliers et même d'une magnifique hôtel particulier au Vésinet, dans l'ouest parisien. Autre exemple qui donne un aperçu de la démesure du personnage. En septembre 2005, Sassou Nguesso se rend à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il descend dans l'un des palaces les plus prestigieux de Manhattan. Il occupe une suite sur 3 niveaux à plus de 8 500 $ la nuit et, comme il n'aime pas voyager seul, sa délégation, qui comprend une cinquantaine de personnes tout de même, est elle-même logée dans l'hôtel. Coût de ce séjour princier, sans compter l'avion, 295 000 $. Intégralement réglé par le contribuable congolais. La raison de ce déplacement, au fait, un discours d'une dizaine de minutes à la tribune des Nations Unies pour exhorter les pays riches à tenir leurs engagements en termes d'aide au développement. Au Congo, le train de vie hallucinant de la famille Sassou Nguesso suscite l'indignation de nombreuses personnes. C'est le cas du docteur Benjamin Tungamani. Cet opposant politique a failli mourir dans l'incendie criminel de sa maison. Depuis, réfugié en France, il dénonce. Nous allons prendre le cas d'un médecin congolais. Un médecin congolais gagne 200 euros par mois. Une des voitures d'Edith Bongo coûtait la bagatelle à peu près de 350 000 euros. Sa voiture, et encore la voiture, elle n'était pas au Gabon, elle était ici en France, donc elle l'utilisait de temps en temps. Vous voyez le nombre de médecins que nous pouvons payer rien qu'avec cette voiture-là. Lorsque je pense que rien qu'avec la maison du Vésinet, qu'on a expertisé autour d'une dizaine de millions, on est capable de construire 2 ou 3 hôpitaux à Brazzaville, où les enfants n'ont rien pour se soigner. Donc le problème des biens mal acquis est un problème qui est primordial, aussi bien pour l'Afrique que pour l'Europe ou pour la solidarité internationale. Jusqu'au milieu des années 2000, le clan Sassou Nguesso continue de dépenser des millions provenant de l'argent du pétrole congolais qu'ils ont détourné, ou alors ils investissent dans l'immobilier. Et personne ne semble être en mesure de les inquiéter. Pourtant, une ONG française va jeter un pavé dans la mare en dévoilant sur la place publique l'incroyable patrimoine du président congolais et de sa famille. Au mois de mars 2007, l'association Terre Solidaire publie un rapport intitulé « Bien mal acquis profite trop souvent la fortune des dictateurs et les complaisances occidentales ». Signé par Jean Merkert et Antoine Dulin, ce document d'une cinquantaine de pages dévoile l'ampleur des avoirs détournés par certains dirigeants corrompus, en particulier des présidents africains. Mais surtout, il démontre la totale impunité qui leur est accordée par certains pays, dont la France. À la suite de ce rapport, les associations Sherpa et la Fédération des Congolais de la Diaspora déposent une première plainte contre les familles dirigeantes de l'Angola, du Burkina Faso, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale et du Gabon pour recel de détournement de fonds publics. Dans les milieux diplomatiques, l'affaire fait grand bruit car désormais, adresses chic et montants faramineux sont référencés et c'est tout un système qui est mis à nu. À Brazzaville, Libreville et Malabo, capitales des pays concernés, les chefs d'État africains ou leurs représentants vont alors appeler l'Élysée pour se plaindre. Mais, hasard du calendrier ou justesse dans le choix de la date de publication du rapport, nous sommes alors en pleine campagne présidentielle et personne à Paris ne veut prendre position sur le sujet. Dans avocat de la République du Congo et de la famille Sassou Nguesso, le journaliste de France Inter, Benoît Colomba, se rend dans le département des Yvelines, au Vésidé, à une adresse censée appartenir au président congolais. Son reportage sur place est édifiant. C'est le nom d'un mort qui apparaît aujourd'hui encore dans l'annuaire téléphonique au 45 de l'avenue Maurice Berthaud, l'adresse de cette villa du Vésiné. Le nom de Valentin Ambendet, autrement dit le frère du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Un frère décédé en réalité à Paris depuis déjà 3 ans. À la même adresse, un deuxième numéro de téléphone, cette fois au nom de l'épouse du président congolais, Antoinette Tshibota. Petite vérification sur place. Je suis bien chez le président Sassou Nguesso ? Oui, c'est bien là ? Pour l'instant, il y a du personnel et puis qu'ils reprennent l'avion ce soir. Pour retourner au Congo-Brazzaville. Voilà, tout à fait. Le gardien de la villa confirme bien que les allers-retours des proches du président congolais continuent. Et pourtant, cette villa de maître avec jardin et couloir secret est censée avoir été revendue pour seulement 229 000 euros à une société luxembourgeoise, car officiellement son état serait délabré. Jacques Bedels, l'avocat de l'entreprise qui a effectué les travaux de réfection, n'en croit pas ses oreilles. Il y a eu 3 millions de travaux, plus la valeur de la villa elle-même. Enfin, 229 000 euros ne correspond même pas à la valeur du terrain lui-même. C'est une villa de grande classe et d'ailleurs, il y a même eu des travaux supplémentaires qui ont été faits pour rajouter encore du marbre, améliorer encore les robinetteries plaquées or. Pour les dirigeants africains concernés, le scandale des biens mal acquis est vu comme une ingérence directe dans leurs affaires intérieures. Pire, l'étalage dans les colonnes des journaux et sur les écrans de télé de leurs richesses accumulées, de manière frauduleuse de surcroît, est une sérieuse atteinte à leur image. En réaction, le président du Gabon, Omar Bongo, dont on a découvert dans le rapport du CCFD que la famille posséderait un patrimoine immobilier de plus de 20 millions d'euros en France, Bongo donc, accuse la France de néocolonialisme. Mais le plus intriguant dans cette affaire, c'est sans doute cette réaction de Nicolas Sarkozy. Élu au mois de mai 2007, président de la République, il se montre évasif lorsqu'on l'interroge sur ce sujet, détournant la conversation. Si à chaque fois qu'il y avait des enquêtes judiciaires, il fallait qu'on arrête nos relations, on ne les aurait pas arrêtées simplement du côté africain. Un an plus tard, au printemps 2008, l'association Transparency International France, ainsi qu'un citoyen gabonais, déposent une nouvelle plainte, avec cette fois constitution de parti civil, pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les présidents Sassou Nguesso, République du Congo, Omar Bongo, Gabon, et Théodorin Obiang, Guinée équatoriale, ainsi que des membres de leur entourage, ont acquis un gigantesque patrimoine immobilier en France. Mais il faut attendre le 9 novembre 2011, plus de 4 ans après le rapport du CCFD, pour que la Cour de cassation juge recevable la plainte déposée par Transparency International France. Une information judiciaire est alors ouverte et 2 juges d'instruction sont désignés. Cette décision constitue une avancée juridique considérable. Pour la première fois en France, l'action en justice d'une association de lutte contre la corruption ne reste pas à l'être morte, autrement dit. La machine judiciaire est lancée. Et pour Sassou Nguesso et son clan, les ennuis vont commencer. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town that digs on me. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon. with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psyche told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a Benz. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Now I ain't saying you a gold digger, you got knees. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a Benz out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dude's ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Let me hear that back. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous recevons le président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Bonjour, bonjour et merci bonjour de nous accorder cet entretien. Est-ce que vous vous estimez harcelé par les deux juges qui sont en charge de cette affaire? Est-ce que vous parleriez de harcèlement? Bon, de harcèlement, de manipulation, de traitement injuste, c'est pas seulement par les deux juges, puisque nous sommes en face des médias. On pourrait aussi dire de harcèlement par les médias qui ramassent souvent et n'importe quoi et le diffusent, mais cela ne nous retire pas le sommeil quand même. Au printemps 2013, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est l'invité de la chaîne d'information France 24 sur laquelle il se défend comme il peut. Il se trouve que depuis plusieurs mois, les juges d'instruction Roger Leloir et René Grouman, qui enquêtent sur l'affaire des biens mal acquis par trois présidents africains dont Sassou Nguesso, multiplient les offensives contre le potentat de Brazzaville. Plusieurs notes de Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère de l'économie, fuient dans la presse. Le grand public découvre ainsi les dépenses faramineuses et le train de vie du dirigeant congolais et de son clan. Ainsi, au moment où son pays est placé sous tutelle du FMI, le président congolais commande 91 costumes haut de gamme pour un montant de plus de 250 000 euros. À cela s'ajoutent 48 chemises du même acabit pour plus de 24 000 euros. Dans les colonnes du journal Libération, on découvre le témoignage sidérant d'un ancien assistant du personnel présidentiel qui affirme que Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président, lui, avait l'habitude de changer de chemise 3 ou 4 fois par jour, se vantait de ne jamais les utiliser 2 fois et de s'en servir après comme mouchoir. Enfin, quand officiellement Denis Sassou Nguesso et sa famille déclarent ne posséder aucun compte bancaire à leur nom en France, les enquêteurs, eux, en trouvent plus d'une centaine. Face à ces éléments accablants, pour toute réponse, les avocats du président congolais dénoncent des affabulations et une atteinte calomnieuse à la réputation de leurs clients. Quatre ans plus tard, au mois de juillet 2017, la justice française accélère ses démarches dans l'affaire des biens mal acquis. Le tribunal de grande instance de Paris condamne le fils du président de la Guinée équatoriale à de la prison avec sursis et à une forte amende, également avec sursis, pour blanchiment de détournement de fonds publics. Mais les juges Leloir et Grouman n'entendent pas s'arrêter là. Et maintenant, c'est au tour du clan Sassou Nguesso. Dans les semaines qui suivent, 5 membres de la famille du président congolais sont à leur tour mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics commis en France. Parmi eux, Wilfried, l'un des neveux du président, celui qui possède une clinquante collection de voitures de sport. Également convoqué chez les juges, Julien Sassou Nguesso. Elle, c'est la fille, celle-là même qui avait dépensé sans compter pour s'offrir un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine et dans laquelle on découvre qu'elle a engagé pour plus de 5 millions d'euros de travaux. Dans la foulée, les juges font saisir la quasi-totalité des avoirs répertoriés. Face à la presse, l'un des avocats en France de la famille Sassou Nguesso, maître Jean-Marie Viala, dénonce une escroquerie au jugement et affirme avoir déposé une requête en nullité. En raison de la mise en examen, je vais vous faire une nouvelle qui va vous surprendre, on s'en fiche complètement. On n'est pas concerné. Transparency dit que ces personnes ont fait tel et tel et tel délit, sauf que pour dire cette chose-là, ils ont fait un faux et ils ont donc instrumentalisé des documents pour pouvoir déposer plainte. Eh bien, nous répondons, nous, que nous n'avons pas à répondre à des motifs d'une plainte qui est illégale, tout simplement. Ce qui intéresse les juges Roger Leloire et René Grumman, c'est l'origine des fonds qui ont permis aux membres de la famille Sassou Nguesso de se constituer un tel patrimoine. Ils vont aller de découverte en découverte. À l'occasion de l'achat d'un appartement de 400 mètres carrés à Paris, transaction réalisée par une SCI dont les fonds viendraient d'une société écran basée à Saint-Marin, les juges notent dans leur ordonnance de saisie que cette société aurait reçu des virements en provenance de la Direction Générale du Trésor du Congo-Brazzaville, autrement dit. 18 446 339 euros d'impôts payés par le Congolais. Les Congolais auraient servi à financer l'achat de cet appartement dont le grand bénéficiaire n'est autre que Edgar Sassou Nguesso. Celui-là, c'est un neveu. Alors que l'enquête des juges français pointe du doigt, ce neveu, le président congolais, tente une vaste opération de communication. Lors de son discours sur l'état de la nation face aux membres du Congrès en décembre 2018, Denis Sassou Nguesso annonce en grande pompe qu'il entend faire du Congo un pays exemplaire en matière de lutte contre la corruption. Je mesure l'impatience du peuple qui attend que des têtes tombent. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Et enfin, à Brazzaville, parmi ses opposants, personne n'est dupe. Si on voulait en finir avec la corruption, il faudrait d'abord arrêter le président et sa clique, lance-t-il, sous couvert d'anonymat, dénonçant une énième fuite en avant d'un régime aux abois. Alors que l'enquête judiciaire est toujours en cours en France, au mois d'avril 2019, l'ONG britannique Global Witness lance de nouvelles accusations, cette fois contre deux des enfants du président congolais. Le premier, Denis Christel, aurait, selon l'enquête très documentée de l'ONG britannique, détourné plus de 50 millions de dollars de fonds publics en mettant en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Sa sœur, Claude Sassou Nguesso, elle est accusée d'avoir usé du même système pour détourner plus de 20 millions de dollars et de s'être ainsi offert un appartement de luxe dans la Trump Tower à New York. Au moment où sortent ces révélations, on apprend que le Fonds monétaire international va apporter une nouvelle aide de 450 millions de dollars sur 3 ans à la République du Congo pour relancer son économie mise à mal, entre autres par la chute des cours du pétrole. Pour de nombreuses ONG, cette décision est révélatrice de l'amnésie autour des pratiques du président africain et de son clan. En 2020, cette année donc, Denis Sassou Nguesso fêtera ses 36 ans de pouvoir à la tête de la République du Congo. Motemana yo eke wapi, eko kiko bo mayo. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Sassou Nguesso, dont nous allons parler avec notre invité, le journaliste Xavier Harel. Bonjour. Bonjour. Voilà plus de 10 ans que vous enquêtez sur ce dossier. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, on peut le dire, sur le sujet, dont le dernier, L'argent fou de la France-Afrique, l'affaire des biens mal acquis, paru en 2019 aux éditions Glénat, est une BD. Alors, je sais que la BD maintenant aborde tous les sujets, et c'est très bien, mais pourquoi avez-vous fait le choix personnel de la BD ? La bande dessinée, c'est un outil fantastique pour expliquer comment les choses se déroulent, notamment dans le domaine de l'économie. D'un seul coup, l'argent circule et vous voyez comment elle circule. Vous pouvez faire des schémas, vous pouvez voir comment l'argent passe d'un paradis fiscal, une société offshore, au compte d'une banque, et puis permet d'acheter un jet Gulfstream ou d'autres choses. Et puis, ça permet de faire des découvertes, c'est-à-dire que la France-Afrique, il y a énormément d'argent qui circule, il y a beaucoup de mallettes, de valises, une partie de la classe politique française est financée par Denis Sassou Nguesso, mais aussi par d'autres chefs d'État de la région. Eh bien, ça permet, par exemple, de rentrer dans le bureau de Jacques Chirac avec Robert Bourgi, célèbre intermédiaire de la France-Afrique, et de compter les billets de Bongo, de compter les billets de Sassou Nguesso, de compter les billets du président de la Guinée équatoriale. Et c'est ça la magie de la bande dessinée, c'est que ça vous permet d'être là où personne n'a pu aller jusqu'ici. Alors, il y a une question naïve qu'on pourrait poser, mais pourquoi ce système de la France-Afrique perdure-t-il malgré les scandales que l'on découvre ? Bah oui, la question est naïve, parce que si ça perdure, c'est que ça rapporte à plusieurs personnes. Mais est-ce que quand même, il y a eu des progrès réalisés ces dernières années sur ce concept de France-Afrique ? Est-ce que c'est un peu moins scandaleux qu'avant ? Écoutez, les décennies passent. La France-Afrique, c'est un héritage. C'est un héritage de la décolonisation. C'est-à-dire que en 1960, eh bien, la France accorde l'indépendance et organise l'indépendance de tout un tas de pays africains et à ce moment-là installe ses hommes pour y défendre ses intérêts. En l'occurrence, le pétrole, l'uranium, le gaz. Et donc cet héritage fait que, eh bien, pendant très longtemps, ces régimes, et notamment en Afrique centrale, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale un peu plus tard, eh bien, ces pays vont être alliés et très proches de la France parce qu'ils sont riches en pétrole et que la France veut assurer son indépendance énergétique. Et donc, va se mettre en place ce qu'on peut appeler un système d'échange de bons procédés, c'est-à-dire que Elf va pomper du pétrole à très bas prix, dans très très bonnes conditions, va assurer la stabilité de ces régimes. En contrepartie de quoi ? Eh bien, Elf va financer une partie de la classe politique française pour s'assurer qu'elle ne s'intéressera pas trop à ce que fait Elf dans ces pays. Et puis, eh bien, ces régimes vont eux également financer une partie de la classe politique française, eh bien, pour s'assurer qu'ils resteront en place. En fait, c'est une sorte d'assurance-vie. C'est la garantie, eh bien, que quel que soit le président, quelle que soit la couleur de la majorité en France, eh bien, vous serez toujours soutenu. Pourtant, il y a eu entre deux l'affaire Elf Aquitaine. Quand même, ça aurait pu changer des choses. Je rappelle que c'est l'une des affaires politico-financières les plus retentissantes de l'après-guerre. Peut-être celle d'ailleurs où les enjeux financiers étaient les plus élevés. Tout le monde, enfin beaucoup, se sont servis dans la caisse, ont mis la main dans la caisse. Ça n'a pas changé les choses, ça. Si, d'un seul coup, ça a quand même permis de mettre le nez dans le fonctionnement d'Elf, qui était donc cette compagnie pétrolière qui a été créée après-guerre et qui est devenue un peu à la fois la garantie pour la France d'assurer son indépendance énergétique en allant chercher du pétrole dans le golfe de Guinée, et à la fois eh bien, le bras armé de la politique étrangère française en Afrique. Simplement, la façon dont fonctionnait Elf était un peu particulière, puisque c'était une vaste entreprise de corruption. Le principe étant assez simple, c'est-à-dire que vous corrompiez les régimes en place, c'est-à-dire que vous reversiez de l'argent au président pour vous assurer d'avoir du pétrole à de très très bonnes conditions. Et ça a fonctionné comme ça pendant des décennies, et ça a permis à Elf de gagner beaucoup d'argent, c'est sûr, à la France d'assurer son indépendance énergétique, mais ça a mis en place, ça a permis à des régimes indéfendables, eh bien, de rester en place, de s'armer, de développer un train de vie absolument époustouflant et d'accumuler en France, évidemment, un patrimoine incroyable. Alors, un aspect étonnant du dossier de Sassou Nguesso dans le volet judiciaire, tout est parti finalement d'un simple rapport dans une ONG, presque un rapport de stage, non ? Oui, j'aime bien. C'est cette histoire incroyable, c'est un petit grain de sable. C'est-à-dire c'est vraiment un rapport de stage qui va transformé en une crise diplomatique majeure entre la France et son ancien précaré africain. Au départ, c'était simplement Jean Mercard, qui est membre du Comité catholique contre la faim et pour le développement, et qui est intéressé par ces questions et qui va réaliser avec Antoine Dulin, eh bien, un rapport sur les biens mal acquis. Mais ça concerne tout un tas de pays régimes, hein. Évidemment. Je crois qu'à l'époque, il y a une 30 ou 35 pays qui sont concernés, ou 30 ou 35 régimes ou familles, disons. Y compris hors d'Afrique. Y compris hors d'Afrique, d'accord. Évidemment. Mmh. Et donc ils font ce rapport, mais avec uniquement des sources ouvertes à ce moment-là. C'est uniquement ce qu'ils ont pu collecter dans la presse, des choses qui sont établies. Et l'idée, c'est qu'une convention des Nations Unies a été adoptée, Mérida, qui vise justement à restituer les biens qui ont été mal acquis et qui ont été investis en France, en Italie ou ailleurs. Et donc leur idée, c'est de faire un petit peu mousser tout ça et de faire remonter le sujet à la une. Ils y arrivent. Puisque la couverture médiatique de ce rapport est assez importante. Il y a deux pages dans Libération, c'est repris dans les radios, ça fait un peu de bruit. Et puis, il y a un débouché judiciaire, c'est-à-dire qu'ils déposent une plainte, mais ça, personne n'en parle, parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Je me souviens que c'est la dernière phrase d'une dépêche AFP de l'agence France-Presse, et puis c'est tout. Et de manière assez mystérieuse encore aujourd'hui, eh bien, le parquet va ouvrir une enquête préliminaire. Absolument. On le disait pendant le récit. Et c'est le début des ennuis, et c'est le début d'un changement majeur dans les relations entre Paris et ses capitales, parce que ça va créer une crise diplomatique majeure. Et cette enquête préliminaire, la police va faire un travail absolument extraordinaire, puisqu'ils vont aller au-delà de leur saisine. Ils vont demander les comptes en banque, ils vont regarder s'il y a des yachts, s'il y a des voitures, alors qu'au départ, on est uniquement sur le patrimoine immobilier. Et cette enquête va durer quelques mois. Et va être fermé très rapidement par le pouvoir qui comprend tout le danger qu'il y a. Eh oui, forcément. Mais c'est trop tard, parce que les informations fuitent, et que d'un seul coup, les journalistes qui connaissaient tout cela, mais qui ne pouvaient pas forcément l'établir de façon définitive, parce que beaucoup de biens sont détenus via des sociétés offshore, via des SCI, et que donc vous savez que Bongo habite là, vous savez que Sassou Nguesso habite au Vésiné, mais sur le papier, ça n'appartient pas à Sassou Nguesso. Eh bien, d'un seul coup, on va pouvoir étaler l'ampleur de ce patrimoine. Et donc, il va y avoir des doubles pages dans Le Monde, ça va faire le journal de 20h à France 2. Parce que d'un seul coup, eh bien, les journalistes sont dans la certitude de ce qu'ils peuvent affirmer. Et donc, c'est révélé au grand jour. Et là, effectivement, l'affaire va embrayer et prendre des proportions assez incroyables. Alors, quand on est président de la République française, on se retrouve toujours confronté à ce problème de la France-Afrique. Vous avez entendu la réaction de Nicolas Sarkozy en 2008, donc il est président de la République. Oh, ça tient, vous l'avez entendu, ça tient en deux phrases. S'il fallait qu'on ait des problèmes diplomatiques ou des ruptures diplomatiques avec tous les pays, un petit peu, on s'en sortirait pas. Qu'est-ce que c'est que cette façon de dire, écoutez, c'est comme ça, quoi. La justice et l'exécutif sont indépendants en France, donc il faut laisser la justice faire son travail. Il y a une espèce d'aveu quand même là-dedans, il y a un aveu historique, quoi. Il y a une reconnaissance. Alors, il faut savoir que Nicolas Sarkozy a été membre de la France-Afrique. Il a participé à la France-Afrique. En tant que président. En tant que président, évidemment. Alors, il avait ce grand discours qu'il avait fait à Cotonou, au Bénin, juste pendant la campagne électorale, en disant qu'il fallait mettre un terme. Sortir de la France-Afrique. Il fallait sortir de la France-Afrique, etc., etc. Et puis, à l'époque, il n'était pas entaché par toutes ces affaires, et les gens l'ont cru. Ils se sont dit, il va tourner la page de l'époque Chirac, de l'époque des gaullistes historiques, qui, eux, vraiment, se sont enrichis démesurément. Et de Focard. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte plus tard que ça n'était pas du tout le cas et que dans le livre que j'ai publié, j'ai un témoignage de Jacques Mocktail, qui était un conseiller d'Omar Bongo et qui explique que la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy a été financée par Omar Bongo et que les financements ont continué après l'élection. Alors, ces chefs d'État africains font ce qu'ils veulent de leur argent, mais ils en ont beaucoup. Et évidemment, c'est complètement indécent vis-à-vis, ne serait-ce que vis-à-vis des peuples qu'ils dirigent. C'est aussi ça, le scandale, il est aussi moral. En septembre 2011, l'affaire des biens mal acquis fait une entrée fracassante à la une de l'actualité, vous l'avez dit, lorsque les juges décident de perquisitionner, notamment le domicile de Teodoro Obiang. Alors lui, c'est le fils du président de la Guinée équatoriale. Je vous propose d'écouter le témoignage de son ancien chauffeur, sur le train de vie hallucinant de la famille. Il descendait dans une banque, il prenait 500 000 francs, 50 millions anciens, vous voyez, pour s'éclater. Mais c'est tous les 2-3 jours, hein. Il achetait des cuvées spéciales qui valent des fortunes. Ah oui, mais tout est comme ça avec lui. Il vivait comme un... les mille et une nuits, quoi. Bon, qu'est-ce que ça... Bah, ça nous renvoie à ce qu'on a découvert après toutes ces enquêtes. On est un cran au-dessus. C'est-à-dire que Théodorin Obiang-Nguema, on est dans le registre de la folie. C'est-à-dire que la Guinée équatoriale est un pays qui a découvert du pétrole très récemment, où la population est extrêmement pauvre et où une grande partie de la richesse du pays est captée par le régime en place. Et Théodorin Obiang-Nguema dépense dans des proportions hallucinantes. C'est-à-dire qu'il a acheté Avenue Foch, un hôtel particulier qui fait 6 000 m², qui a été saisi par la justice depuis. Il a acheté aux États-Unis une villa qui était la 6e transaction immobilière la plus chère aux États-Unis enregistrée en 2006. Il a acheté un Gulfstream, il a acheté des yachts à plusieurs centaines de millions de dollars. Et 80% de la population en Guinée équatoriale vit avec moins d'un dollar, vit sous le seuil de pauvreté. Donc là, on est dans un registre qui est proche de la folie. Les Britanniques appellent ça des shopaholics, c'est-à-dire qu'il est complètement addict à la consommation et il achète sans compter des voitures, des dizaines de voitures de luxe. Dans la saisie qui a été faite à Avenue Foch, il y avait 2 Bugatti Veyron, la voiture la plus rapide du monde, qui coûte plus d'un million d'euros. On se demande bien pourquoi 2, parce que on peut pas les conduire en même temps, mais il avait un parc automobile complètement fou. Et Théodorin, on est dans un registre, on est ailleurs. C'est-à-dire que c'est difficilement compréhensible. C'est une sorte de grand enfant gâté qui continue de jouer avec ses jouets alors qu'il approche la cinquantaine. Et au Gabon, je parle du... On va pas tous les faire, rassurez-vous, mais je parle du Gabon parce que El Fakitaine, c'était au Gabon. Il en est où aujourd'hui ce pays par rapport... Alors, il est dans les biens mal acquis, hein. Il en est où aujourd'hui par rapport à ces mœurs-là, les mœurs-là? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que chez le Bongo, on a pris conscience? On en est où? Écoutez, Ali Bongo a pris des engagements, hein, après la mort de son père Omar Bongo en 2009. Je suis pas sûr qu'ils étaient beaucoup tenus. Dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, a été révélée la teneur de l'héritage d'Omar Bongo, et qui a notamment permis de découvrir l'existence de Delta Synergy, qui est une holding familiale qui détient des participations dans absolument toutes les sociétés du pays, ou quasiment toutes les sociétés qui comptent. Et là, ça se chiffre en centaines de millions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise ouvrait au Gabon, ou qu'une entreprise étrangère venait s'installer au Gabon, eh bien la famille Bongo, via Delta Synergy, prenait une participation. Et donc cette fortune est colossale, parce qu'en gros, ça veut dire qu'ils détiennent un quart ou un tiers de l'économie du pays. Et donc ça va au-delà du patrimoine qui a pu être accumulé en France, qui se chiffre en... probablement en centaines de millions d'euros aujourd'hui, puisque les prix de l'immobilier ont pas mal flambé, mais en dizaines d'immeubles et d'appartements de luxe et d'hôtels particuliers. Dans une organisation mafieuse, on parlera de raquettes. On peut utiliser ces mots, parce que les entreprises qui ont travaillé dans ces pays n'avaient pas d'autre choix que de laisser la famille Bongo prendre une participation dans l'entreprise, sans quoi elle n'aurait pas pu exercer dans ce pays. Et je pense encore au Gabon, et je pense la République du Congo, la Guinée équatoriale, égale pétrole. Est-ce qu'à partir du moment où il y a du pétrole, le ver est dans le fruit? Oui. Bah, c'est pas africain du tout. Hein. C'est-à-dire que dans le monde entier, que vous alliez au Venezuela, que vous alliez dans le Golfe Persique ou alors ou en Afrique, eh bien à chaque fois qu'il y a du pétrole, eh bien on a des pays qui sont extrêmement mal gérés pour une raison simple. Le pétrole est une industrie particulière, c'est-à-dire que ce sont des investissements colossaux qui génèrent des revenus colossaux et qui créent très peu d'emplois. Et ces revenus sont décidés par l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide ou non d'attribuer un permis pétrolier, un droit d'exploiter ce pétrole. Et donc, ces revenus sont généralement captés par le régime en place, qui du coup a tous les moyens de se maintenir au pouvoir. Donc l'alternance devient quasiment impossible, parce que celui qui est au pouvoir, eh bien, contrôle l'argent du pétrole, et donc contrôle l'opposition, il peut acheter l'opposition, lui faire peur, etc. Ça génère en général beaucoup de corruption, beaucoup de détournements. La liberté de la presse est mise à mal, et vous avez souvent des régimes qui sont ultra-militarisés. Donc le pétrole n'est bon ni pour les droits de l'homme, ni pour l'environnement. C'est une véritable malédiction. En gros. En août 2019, on va parler des enfants, hein, qui se servent bien aussi. Denis Christel, donc c'est le fils, et sa sœur Julienne Sassou Nguesso sont épinglés par l'ONG Global Witness pour avoir détourné, alors pour lui, 50 millions de dollars, pour elle, 20 millions de dollars, selon les chiffres de cette ONG. On va écouter le témoignage de l'enquêtrice Mariana Abreu, c'est elle qui a découvert le montage et les documents incriminant les deux enfants du président Sassou Nguesso. J'ai travaillé sur cette enquête pendant une année et les documents examinés, ils viennent des extraits bancaires, des contrats juridiques, des différents types de documents qui m'ont montré l'extorsion des plus d'un demi-milliard de dollars du trésor congolais et les transits des sommes de plus de 500 millions de dollars par des sociétés dans les États-Unis, les îles Vierges britanniques, avant d'attendre et les Chypres. Et l'entreprise de Chypre était secrètement détenue par les fils du président congolais et elle a reçu plus de 50 millions de dollars. Et est-ce que vous avez confronté la famille Sassou Nguesso et en l'occurrence le fils du président Denis Christel Sassou Nguesso? On a envoyé des questions à Denis Christel Sassou Nguesso et aussi au porte-parole du gouvernement congolais, mais ils ne nous ont pas répondu. Alors on remarque qu'à travers l'histoire, les fils aînés de dictateurs sont souvent d'affreux jojo. Il y en a eu partout. Denis Christel, lui, c'est un morceau de choix, hein, dans cette logique-là, avec ses dépenses, enfin tout ce qu'il fait, c'est... Oui, il est dans la droite lignée de son père et il sera probablement le prochain président, malheureusement. Oui, parce que quand ils sont souvent d'affreux jojo, et le pire c'est que parfois ils deviennent président à leur tour. Bah, ça a été le cas au Gabon. Théodora Obiang Nguema en Guinée équatoriale devrait succéder à son père. En tout cas, tout se passe en ce sens-là. Et au Congo-Brazzaville, eh bien, on est un peu dans la même situation. Et ce que décrit Global Witness, eh bien, c'est l'exemple type du problème avec ce type de régime, c'est-à-dire que vous avez une grande entreprise étrangère, en l'occurrence Asperbras, qui est une entreprise brésilienne de construction, qui a signé énormément de contrats avec le Congo-Brazzaville. Eh bien, à partir de là, vous pouvez avoir des systèmes qui permettent de détourner beaucoup d'argent. Là, en l'occurrence, il s'agissait de signer un contrat avec une entreprise, donc avec Asperbras, qui devait faire des études géologiques au Congo-Brazzaville. Or, l'enquête a révélé que cette entreprise n'existait pas. Elle avait été créée deux jours avant, qu'elle n'avait ni employé ni chiffre d'affaires, et que l'ensemble de l'argent qui était sorti était destiné effectivement au fils de Denis Sassou Nguesso. Et quand on bénéficie de biens mal acquis, après, il faut les planquer. Hein. Donc, là encore, les paradis fiscaux, le système bancaire international, une vraie part de responsabilité, on est d'accord? Ah oui, ça c'est la constante. C'est-à-dire que dans tous ces montages, vous retrouvez des sociétés offshore dans les paradis fiscaux, vous retrouvez des paradis fiscaux, vous retrouvez des grandes banques qui s'abritent derrière le secret bancaire, derrière l'anonymat de fondations, de trusts et de sociétés offshore pour dissimuler la véritable identité des ayants droit. Alors, sachant que la justice a condamné le fils du président de la Guinée équatoriale, de la prison avec sursis, mais enfin quand même, hein, dans l'affaire des biens mal acquis, peut-on penser qu'on va vers un procès, une possible condamnation pour Denis Sassou Nguesso et son clan? Écoutez, bon, c'est le but du jeu, j'imagine. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Il est certain que il y a un moment où les juges vont renvoyer devant le tribunal correctionnel Wilfried Nguesso, Edgar Nguesso, ceux qui ont été mis en examen, et ça ne devrait pas tarder. À suivre donc. Merci infiniment, Xavier Harel. Je rappelle le titre de l'un de vos livres, Le scandale des biens mal acquis aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Sassou Nguesso, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Aujourd'hui à la technique, il y avait Grégory Wallon.